J'ai attendu des nuits entières que les étoiles crèvent mon ennui. J'ai pleuré nu sur le tombeau de rêves que décembre a blanchi. L'écume a soulevé ma peine, le ciel a étouffé mes cris. La lune a effacé les ombres et moi j'ai déserté ma pluie. J'ai enterré mes heures perdues, bercées par ton souffle endormi. Tes bras ont chassé l'amertume, tes yeux, je voudrais y mourir. Tu as fait grandir mon envie de graviter autour du monde. Ma main réfugiée dans la tienne, en moi ton être vagabonde. J'ai regardé des nuits entières, les étoiles filaient sans un bruit. J'ai dansé nu sur le parterre de fleurs que tu m'avais cueillies. Tu as fait naître mon envie de graviter autour du monde. Je t'aime comme le soir où la lune sur mon cœur a posé ton nom. Tu as fait naître mon envie de graviter autour du monde. Je t'aime comme le soir où la lune sur mon cœur a posé ton ombre.